Ouais, super! On est les CM1! On est où là, c'est quoi? L'atelier de cuivre. Ah, d'accord. Et il s'appelle comment le monsieur qui nous... BP Créacier, Pierre Bourdin. Et il était aussi à la foire aux tomates. Oui, c'était croisé là-bas. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et puis comment faire tout ça. Donc c'est une feuille d'arbre. Donc voilà, à chaque fois je vais partir d'une feuille comme ça, de tôle. Une feuille. Ouais, c'est ça, en cuivre. Ensuite, je dessine, je dessine mon modèle suivant ce que je veux faire. Hop. Après, je viens dessiner autour pour avoir la forme sur le cuivre. Après, avec ma pince, je viens découper toute la forme dans le cuivre. Je viens enlever toutes les petites bavures pour pas que je me coupe. Tout ce qui est coupé. Ouais, c'est ça, donc ça à la lime. Là, c'est tout doux. Ah ouais, c'est tout doux. Ah ouais, c'est surtout tout lisse. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce que tu fais? Tac, c'est pour écraser, tac, pour faire toutes les petites formes. Là, c'est quoi que tu vas faire là? Voilà, rien de spécial, c'est pour vous montrer. Oh, on dirait un truc de papillon. Une jardelle de papillon. Ça pourrait. Et ensuite, hop, il va falloir donner toute la forme. Donc, on voit sur une feuille de chêne par exemple, là c'est ça. Il va falloir faire toutes les petites nervures dedans. Et pour faire tout ça, je vais utiliser la petite presse. Hop, vous pouvez regarder, tac. Je vais venir enfoncer toute la matière. Tac, étape par étape, ligne par ligne. Il est concentré. Et après, ça va donner toute cette petite forme-là. Et donc ça, il va falloir faire ça sur toute la feuille pour avoir les mêmes nervures du coup que sur le dessin. Et après, hop, sur celle-là. Donc on voit qu'il y a un petit peu de couleur, et bien il va falloir chauffer la feuille pour avoir toutes ces couleurs-là. Ah, oh, donc tu l'as chauffé avec quoi? Avec un petit chalumeau. Ah oui, je connais, il faut reculer. Il est froid, il n'est pas allumé, on est bon. Donc avec ça, c'est ça qui va donner toutes les couleurs après à la feuille. Donc après, il faut reponcer. Hop. Donc après, on va continuer, on va faire toutes les nervures sur les côtés. Hop. Donc pareil, on prend le modèle, tac, et on essaie de faire toutes les formes. On a plutôt mis la feuille sur la feuille en métal, et après on fait avec. Pour appuyer après, voilà. Bah ça pourrait aussi, pour avoir vraiment le modèle, la coller, et puis... Ouais, regarde, avant j'avais dessiné, on peut faire tous les traits au dessin dessus. Hop. C'est beau. Donc comme ça, je sais exactement où je dois venir à mettre mon trait. Pareil de l'autre côté. Tu trouves ça joli? Oui. Pourquoi tu trouves ça joli? Parce que c'est un peu brillant. Et il est très précis, monsieur. Et surtout, on dirait une vraie feuille. Hop. Le but, c'est de se rapprocher le plus de la vraie feuille après. Mais donc faire un peu les reflets. En train de faire des marques sur ma chance. Mais ça, c'est pas grave, c'est fait exprès. Ça, c'est fait pour, en fait, il y a la forme à l'intérieur. Et ma feuille de cuivre, comme ça, elle vient se déformer dedans. Elle vient prendre toute la forme. Quelqu'un qui veut essayer d'appuyer? Tu veux essayer? Hop, alors attends, regarde. Tac, vas-y. Se lève. Hop, vas-y, appuie. Ouais, tac, tac. Vas-y, encore. Tac, parfait. Hop, encore. Quelqu'un d'autre? Tac, ah, vas-y. Et surtout, faut pas se faire mal aux doigts. Encore. Et non. Hop. Non, je vais te faire un trou dans le doigt. Vas-y, tac. Encore. À toi, Margot. Tac, parfait. Vas-y, Margot. Margot, à ton tour. En fait, faut que tu soulèves la poignée. Après, allez, t'appuies très très fort. Vas-y, allez. Ouais, super. Tape encore. Regarde. Encore. T'as fait toute ta première marque. Qu'est-ce qu'elle a fait, Margot, là? Attends, elle a appuyé sur un genre de levier. Pour que ça fasse des marques. Oui, des marques, ce qui est à l'intérieur des feuilles. Ouais. Les nervures. Encore. Ouais, voilà. Qui veut essayer maintenant? En tout cas, c'est très joli, cet atelier. Hop. Tac. Yep. Est-ce que c'est difficile, super. Alia, faut appuyer fort? Non. Non? Sonia, tu nous accueilles aujourd'hui. C'est quoi ton rôle? Alors, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'organiser l'événement, donc de Monanfête, le village des métiers d'art. Et c'est surtout de soutenir un fonds de dotation qui s'appelle Une musique, un sourire. Donc, c'est pour ouvrir la première école pilote inclusive pour accueillir tous les enfants. Et mon rôle aussi, c'est de vous présenter tous les métiers d'artisanat d'art pour que ça vous permette de découvrir plein de jolies choses et puis que ça vous ouvre votre esprit. Voilà. C'est la maman de la... Oui, exactement. Voilà. combien d'écoles sont venues aujourd'hui, Sonia ? Ben, y a beaucoup de collèges qui sont venus et il y a toute l'école de Mône qui est venue visiter le site. Nous, on sait déjà parce qu'on t'a vu ce matin. Exactement, ouais. Alors après, en nombre, je ne sais pas ce que ça représente, mais il y a beaucoup de collégiens qui sont venus pour découvrir les métiers d'art. Et il y a déjà des jeunes qui se sont trouvés des vocations, donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une symbiose entre l'artisan et les lycéens, les collégiens qui viennent à leur rencontre. C'est une volonté du conseil régional de mettre à disposition des transports, notamment des bus. Exactement, tout à fait. En fait, tout le monde prend part, tout le monde a joué le jeu. Vraiment, c'est... C'est quoi là-bas ? Alors là-bas, c'est l'atelier du cuir et c'est des formations au bac pro maroquinerie. Donc c'est des professeurs qui te montrent comment faire un porte-carte. Kélia, tu sais, je crois qu'on l'avait déjà fait quelque part d'autre, à une autre sortie. Non ? Non ? Non. Merci Sonia ! C'est cool ! Ben, merci à vous tous, c'est chouette. Mais c'est toi, chouette de vous avoir. Quoi, là ? Oh ben là, tu vois, je vais continuer à aller découvrir des métiers parce que moi aussi, je découvre plein de choses. Donc, je vais à la rencontre des gens. Ouais, je vadrouille et puis je vous accompagne. Ouais, on va vers l'agriculteur. L'apiculteur. Non, ouais. Non, on va vers le tailleur de pierre. Merci, Sonia. Alors, on en est où de cette feuille ? Qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Il l'a chauffé. Ça a mis plein de couleurs. Et voilà, que ça donne une petite feuille. Vous avez bien bossé. Ah, il reste encore quelques petits détails à finir dessus. C'est quoi ? Bah après, hop, on va faire plein de petits détails au milieu. Là. Pour vraiment que ça ressemble à une feuille de chêne. Et puis après, il va falloir donner le mouvement. Hop. Par exemple, la plier un petit peu. Faire comme une feuille d'arbre, hop, qui est dans le vent. Comme ça. Oui, c'est ça. Donner plein de petits mouvements. Comme si donc tout ça, on va plier avec une pince exprès, pour pas qu'elle soit toute plate. Mais tu mets combien d'heures à peu près à faire ça ? Bah ça, en gros, il faut compter entre une demi-heure et une heure pour faire une feuille comme ça. Et celle-là, t'as mis combien de temps ? Celle-là, bah pareil, j'ai dû mettre 45 minutes à peu près. Ça a duré une heure presque. Ouais, presque une heure, c'est ça. Bah après, ça demande beaucoup de précision. Et on peut aussi acheter des trucs. T'as pas mis ton porte-monnaie ? Ah non. C'est un métier qui vous plairait ? Oui. Oui. Et vous feriez quoi comme dessin ? Des oiseaux. Des oiseaux ? Des chevaux. Moi, un peu de tout. Moi, pareil. Mais je ferais aussi des feuilles, c'est joli. Alors, des moustaches. Comment on fait pour devenir sculpteur sur fer ? Pour devenir sculpteur, du coup, c'est la passion. Il faut aimer bricoler. Et puis après, petit à petit, tu t'équipes avec les outils. Et puis, tu dessines sur les tôles. Et après, avec l'envie, tu apprends petit à petit à faire. Et il y a combien d'années d'études ? Bah, j'ai pas fait d'études pour, justement. C'est vraiment la passion. Et j'ai appris tout seul dans mon garage à faire tout ça. Au départ, c'était un peu nul. Au départ. Ah bah, au début, oui. Au début, les premières sculptures, elles n'étaient pas terribles. Il fallait apprendre. Vous les avez emmenées ? Non, j'ai pas les premières sculptures. Enfin, je les montre pas, celles-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? Bah, à la base, j'avais offert une rose. Et puis, en voyant cette rose, les gens ils m'ont dit « Ah, bah, c'est vrai que c'est pas mal. » J'en ai eu d'autres en commande un petit peu. Et puis, petit à petit, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire un papillon ? Pourquoi pas faire une feuille ? Pourquoi pas me développer un petit peu ?» C'est comme ça que j'en suis arrivé là. Au début, c'était pour faire plaisir aux gens, mais je faisais ça. Et puis... Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple ? Qu'est-ce qu'il a fabriqué, Pierre, là ? Un squelette avec une rose dans la bouche. Un oiseau. Il y a aussi une abeille. Des roses. Un visage. Un papillon. Un champignon. Pignon. C'est beau. Qu'est-ce que vous préférez parmi tout ce qu'il y a là ? C'est dur de choisir. C'est dur, hein ? Absolument tout. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ? Tu préfères quoi de toutes tes sculptures ? Moi, c'est le diamant. Il est super joli. Moi, j'aime et tout. Et surtout, c'est super bien fait. Moi, j'aime bien le champignon. Moi, j'adore. Le champignon ? Oui, j'aime bien le champignon, moi. C'est quoi dedans ? Il est super joli. Avec le papillon aussi. Mon corps aussi, il est joli. Un corps, ouais. Très très beau. Il y a une main avec des papillons. Il y a aussi en face une feuille, des dents. Oui, je dirais des dents de T-Rex, ça. Oui, ou alors un bec. Il y a aussi un coquillage. J'imagine. Comment il s'appelle cet enfant ? même temps qu'on n'entend pas ce qu'on fait. C'est de la famille du hang. C'est ça, c'est le petit cousin du hang. Je les fabrique à partir de vieilles bouteilles de gaz. C'est du recyclage. Avec des filles. Ah, pourquoi t'es que avec des filles? Ça te dérange? Ouais. Ouais, elles sont cool, les filles. Oh, il y en a certaines. C'est incroyable. C'est quelle classe, là? On a visité le miel et puis c'est tout. On va faire des porte-cartes. Voilà, là, là. Vachie, la moine, en fait. T'es en quelle classe? En CE1. Et qu'est-ce que t'as fait depuis que tu es arrivée là? J'ai été voir le miel. Et vous avez goûté le miel? Oui. Alors? J'aime pas. Est-ce que t'as goûté le miel? Oui. Et alors? Trop bon. Trop bon le miel? Oui. Et vous alors, vous avez goûté quoi? Le miel. Trop bon. Trop bon. C'est quoi ça? Tu veux me dire quelque chose? Non. Non? Eh bien, c'est tombé ma dent. Oh bah alors? Ouais, moi, je suis un mon en fait. J'ai été voir le miel. J'ai essayé de toucher une abeille. Mais il me suis fait avoir, elle s'est envolée et je suis ici pour rien faire. À part être assis dans l'air. Et c'était trop bien. Et il était trop bon le miel. Avec qui vous êtes venue en sortie aujourd'hui? Maîtresse. Maîtresse. Elle s'appelle comment, maîtresse? Jean-Claude. Je ne sais plus. Moi, j'ai pas aimé le miel, c'est pas bon. On écoute. Vous allez prendre votre petit morceau qui est comme ça. Vous allez compter, 1, 2, et dans le deuxième, il va falloir qu'on arrive à rentrer cette petite pièce-là. Regarde, comme ça. Hop. Regarde, tu comptes le numéro 2, ça doit être celui-ci. Non, c'est les petites rouges. Parfait, super. Et celui-là. Et tu m'expliques ce que tu es en train de faire. En porte-monnaie. Oh non, je me suis trompée et j'arrive pas à l'enlever. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es trompée? Mais non, c'est bon encore. Mais non, mais tu peux le tourner. Tu le tournes. Utilise ta main. Là, il va falloir bien écouter parce que ça se complique un petit peu. Vous mettez le côté qui est super joli avec la lanière face à vous. Voilà. Maintenant, on tend un petit peu les bras. Et on le plie. Il faut que vous ayez comme ça. Ah ouais, la terre, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça. Est-ce que c'est difficile à faire? Non. Non? Est-ce que c'est sympa comme atelier? Oui. Oui? Et vous êtes dans quelle école? En CP, en... c'est le CE1. D'accord, et dans quelle école? À Mône. Ah, à Mône. Super. C'est presque à côté. Oui, c'est vrai. C'est en face. C'est vrai. C'est un micro de terre. C'est un micro que j'ai, ouais. Il y a quelle couleur? Bleu. Waouh. T'as choisi ta couleur? Ouais. Oh. Est-ce que c'est chouette cet atelier? Trop bien. Trop bien? Oui. Toi aussi tu trouves ça trop bien? Oui. Mais comment avec ce machin? Comme ça. Alors, regarde. Tu passes toutes les petites languettes dans les trous. D'accord? Ça va pas être trop facile, mais il faut le passer. Toutes les languettes, même celles où il y en a déjà eu. Alors là, on va être très compliqué. Le non plus. Oh non, j'arrache. Très compliqué. Mais Soline, non, c'est dans le trou d'avant. Mais là, ça va être un. Oh, c'est bon, je l'ai fait. Je trouve bon. Je l'ai fait, je l'ai fait. Oh, bah, je l'ai pas fait de l'autre côté. C'est beau. Alors, moi, j'arrive pas trop comment. C'est pas facile parce que c'est très fin, il faut que ça rentre dans les trous. Et c'est bon, j'ai terminé. Et un truc que j'aime pas en fait. Qu'est-ce qui te plaît pas? Bah la couleur. Ah, je voulais avoir le même tissu que Juliette, je me suis retrouvée avec un tissu de vieux. Mais je crois que Juliette, elle aimait pas trop son tissu non plus. Quoi? Non, ça va, elle est jolie. Ah, ça va? D'accord. Bah elle aussi, elle voulait donc. Ah bon, ah pardon. C'est bien comme ça, Marine, qu'il faut faire. Moi, j'ai j'aime pas, mais je vois pas après comment tu. À la couleur violette. Après, une fois que tu les as tous passés, après, comme elle a fait Agathe, c'est-à-dire que tu le replies dans le sens inverse. On va venir faire un nœud à l'extrémité. C'est-à-dire, on va tourner autour du doigt, on va essayer de récupérer le petit galon et on tire. J'aimerais bien faire les deux. Allez, faut que tu essayes. On choisit quoi comme couleur? Faut essayer. Essaye, essaye. Tu fais plusieurs fois. Mais là, il y en a déjà un. Ah bah, t'as de la chance alors. Là, je peux le prendre? Oui, tu peux. Oui. On va le tailler en biseau pour pouvoir l'insérer dans le produit plus facilement. Il va être trop court. Prends notre galon un peu plus long. Là, c'est pour faire cette partie-là, on va faire. Comme ça. La petite attache. Ouais, c'est parfait. Oh, c'est beau, superbe. Par contre, comment on fait le nœud? En fait, regarde. Regarde, donne ton doigt. Fait comme ça, une petite boucle. Tourne comme ça. Et on passe dedans. On va taper un. Mais oui, il faut un éléphant. Après, est-ce que c'est bien comment j'ai fait? Parfait. C'est trop beau. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce métier? Non. Eh ben vous pouvez peut-être lui demander au monsieur. Comment ça s'appelle ce métier? Alors c'est le métier maroquinerie. On fait de la maroquinerie. J'ai jamais. C'est le maroquinier. Et il travaille donc le cuir. Et ça c'est bien qu'on a fait ça parce que du coup dedans on peut même mettre nos cartes de bus si on n'a rien, on peut mettre nos cartes de bus. Elle a dit ça c'est bien. C'est super, ouais. Où est-ce que tu travailles, Anna? Ah, alors moi, je travaille à Possé-sur-Cis. C'est en face d'Amboise, quand on traverse la Loire. Et je travaille pour le Pays Loire-Touraine. Le Pays Loire-Touraine, c'est un regroupement de 55 communes, 4 communautés de communes en réalité, autour d'Amboise, Bléré, Mont-Louis-Vouvray et Château-Renaud. Et on est labellisé par le ministère de la Culture comme pays d'art et d'histoire. Donc on a plein de missions différentes, mais surtout la mise en œuvre de missions de valorisation du patrimoine pour tout le monde. Les plus grands, mais aussi les plus petits. C'est CM1 de Aumône, voilà. C'est le RPI avec Bannière-les-Grands. Exactement, donc, c'est okay, ça. Super. Alors, avec ma collègue Camille, qui est occupée avec des plus grands pour le moment, on va pouvoir vous parler un petit peu de la manière de construire au Moyen-Âge. Oh, alors ça fait plein de choses à dire. Le Moyen-Âge, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pendant le Moyen-Âge? Oui. Un ancien temps. Ok, c'est un temps où il y a un long moment. C'est une période où il y a qui, où il y a quoi comme type de construction? Oui. La construction des châteaux, il y a les rois. Ah, il y a des châteaux avec des rois dedans. Les châteaux du Moyen-Âge, ils sont des châteaux forts. Ok. Il faut imaginer que le Moyen-Âge, c'est une période qui est assez longue, qui dure 1000 ans. Donc 1000 ans, il se passe beaucoup de choses. Ça commence juste après l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période des Gaulois et des Romains. Bah, juste après, voilà, arrive le Moyen-Âge. Et puis Camille, pendant 500 ans quand même, quand on va construire des choses au Moyen-Âge, on va les construire en bois. Est-ce que du bois, nous, dans notre région, on en a? Non. Non. Oui. Où est-ce qu'on peut le prendre, le bois? Dans les arbres. Il y a de grandes forêts chez nous en Touraine. Il y a la forêt d'Amboise. Oui. Et puis pas très loin, quand on est à Vallières, il y a la forêt de Montrichard, par exemple. Donc on a du bois à domicile, c'est parfait. Et puis tout à coup, il y a environ 1000 ans, autour de l'an 1000, on se met à construire des choses plus solides. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour que ce soit plus solide? La brique. Alors de la brique, ouais, mais la brique c'est petit. De la pierre. Est-ce qu'on a de la pierre chez nous en Touraine? Non. Oui. Eh ben si, on a plein de pierres. Quand on passe dans nos villages, Camille, un peu partout, on voit des rochers, des grands coteaux. Il y a même des gens qui ont des caves ou des maisons dans le rocher. Et oui, parce qu'en Touraine, on a une pierre, c'est une pierre calcaire, c'est de la famille de la craie, donc on va pouvoir tout construire en pierre. Mais alors tout, c'est quoi tout construire en pierre au milieu du Moyen-Âge? On l'a dit, le Moyen-Âge, c'est la période des châteaux forts. Eh ben, on construit. construit des châteaux forts en pierre. Par exemple, celui-ci. Vous l'avez déjà vu ou pas ? Non. Il n'est pas très loin. C'est le château de Loche. Là, c'est le donjon, la tour principale du château fort. Donc, on construit des châteaux forts et on construit des églises. Est-ce qu'il y a beaucoup de fenêtres ? Beaucoup, beaucoup ? Moyen ? Moyen. Moyen, ouais. On va le voir, c'est un des détails importants, c'est qu'au milieu du Moyen-Âge, quand on construit une église, il n'y a pas énormément de fenêtres ou alors elles ne sont pas très grandes. Et regardez l'intérieur comment c'est. Voilà. Est-ce que vous sauriez me donner la forme ici de ce qu'il y a ? C'est quoi ? C'est des triangles ? Une corde. Une arche. Et quelle est la forme de cette arche ? Une forme de géométrie. C'est pointu, c'est arrondi. C'est arrondi. Très bien. On peut même dire que c'est la moitié d'un cercle. On parle d'un arc ou d'une arche en demi-cercle. Et bah, au milieu du Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on construit. Et regardez, là, on a une maquette qui reprend exactement cette forme. Cette forme, Camille, on l'a empruntée. Ouais, on l'a pas inventée. On l'a pas inventée au Moyen-Âge. En fait, comme Anna vous l'a dit, pendant très longtemps, on a construit que en bois. Et quand on s'est remis à construire en pierre, ben, on avait un petit peu oublié comment faire. Donc, on s'est inspiré des Romains. On s'est inspiré, on a copié sur ce que faisaient les Romains à l'Antiquité. Et d'ailleurs, au milieu du Moyen-Âge, quand on construit les églises avec cette forme-là, on appelle ça l'art roman. Et ben roman, vous trouvez pas que ça ressemble au mot romain ? Et ben, on a copié le mot aussi. On a copié leur façon de faire et on a copié leur nom. Est-ce que Camille, ce serait pas temps de construire justement un arc en plein cintre ? Alors regardez, c'est la même maquette et il y en a deux exactement pareils. Donc on va faire deux groupes, un petit groupe ici, un petit groupe ici. Moi je vous demande deux secondes, un tout petit peu de place. Alors, comment ça s'appelle le métier de la personne qui fait des constructions en pierre ? C'est quoi son métier ? Même pour construire une maison par exemple ? Maçon. Au Moyen-Âge aussi, on dit les maçons. Donc on commence par mettre un grand cintre en bois à l'emplacement souhaité. Imaginons on veut construire ici une porte d'église. On est en l'an 1100. Hop, on met le cintre en bois. Et ensuite, les maçons, ils vont installer les blocs de pierre. Ah, à ton avis, il faudrait que ça rentre plus dans cet espace. Exactement. Alors attention, on a deux nouveaux mots à apprendre. On en prend chacun. Chacun un. Vas-y, à toi. Un bloc de pierre qui constitue un arc, ça s'appelle un claveau. Est-ce que vous pouvez répéter ce mot ? Un claveau. Non, on fait chacun son tour. Un claveau. Les claveaux. Attention. Ce claveau-là. C'est le dernier, c'est celui qui est en plein milieu. Il est spécial, il a un nom à lui. Le claveau du milieu s'appelle la clé. Clé ? La clé. Une fois que tout est maçonné, bah faut démonter le cintre. Ah. Mais là, ça va tomber. Ah, tu penses que ça va tomber ? Non, non, je sais, ça va pas tomber parce que ça tient. Ça tient tout seul, tu as raison, alors regarde. Regardez, c'est du coup, c'est de magie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tous nos claveaux... C'est la clé ! C'est la clé qui tient tout, tu as raison. Les claveaux, ils se retrouvent bloqués ensemble les uns entre eux avec la force et la tension. Et ça les tient en place. Et voilà. C'est pas mal, hein ? C'est comme si la clé est fermée. Ici, une fenêtre d'église. Alors, dans une église, on ne dit pas fenêtre, on dit baie. Regardez ici, cette fenêtre, elle est décorée. Vous avez vu ? Il y a des vitraux. Vous avez déjà vu des vitraux dans une église ? Oui, on a déjà vu. Donc, nous, on va construire ça maintenant. Madame, oui, juste une question. Dis-moi. Les vitraux, ils sont en verre ou pas, ceux-là ? Alors, les vrais vitraux sont en verre. Mais là, pour la maquette, on a pris en plastique. Alors, allez-y, chacune de votre côté. Vous cherchez, vous regardez, il faut les mettre là. Vous tournez pour voir si c'est le bon sens. Ah, moi je sais comment faire. Ah, très bien. Allez Léo, allez. Oula. Ok. Ensuite, je vais demander à toi, s'il te plaît. Regarde ici, il y a un petit morceau qui dépasse et là t'as un trou. Tu veux bien placer la baguette ? Baguette magique. Vous avez vu ? Cette baguette, c'est celle qui va servir à tenir les morceaux de vitraux entre eux. Ah, moi j'ai envie de mettre les vitraux. Ah bah tu mettras les vitraux à la fin. On va prendre les morceaux de pierre, qu'on appelle des claveaux, et vous allez les mettre comme ça, au fur et à mesure, pour monter. Là, c'est pas trop une sculpture en pierre. Ah, c'est une en structure en pierre, c'est ce qui tient. Là, c'est en bois. Enfin, alors, c'est trop bien. Ça plaît ? Ouais. Il faudra le mettre dans la baguette. Exactement. Rappelez-moi, comment est-ce qu'on appelle un bloc de pierre ? Un claveau. Super, super. Alors, les enfants, écoutez bien. Cette pierre-là, c'est la pierre la plus importante. c'est elle qu'on va mettre au sommet et qui va tenir la voûte. Une voûte dans une église, c'est le plafond. Dites-moi, quel objet vous utilisez pour fermer une porte ? Une poignée. Une clé. Cette pierre-là s'appelle la clé de voûte. C'est elle qui va fermer la voûte. Est-ce que tu veux bien mettre la clé de voûte ? Allez Léo, c'est pas tombé hein. C'est bon. Très bien. Il nous reste les vitraux à placer. Alors, c'est pas du vrai verre, j'ai dit c'est du plastique, mais c'est un petit peu fragile quand même, donc on va faire attention, ok ? Alors vous en prenez chacun, tous les deux. Ok. Alors vous allez voir, c'est pas si facile à mettre. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Alice ? J'essaye de placer les vitraux. Et c'est très difficile. Surtout en gardant la structure en place. C'est pas facile, hein. C'est amusant petite activité. Super ça. Ouais, par contre, les vitraux, ça a l'air vraiment dur. Hein. Oh, il y a Madame Guélie. Coucou les CE2. Ça va, vous amusez bien? Oui. C'est super. Vous avez visité quoi? Là, on a visité le forgeron et le tailleur de pierre. Génial. Et on a fait même du tailleur de pierre. Et alors, c'était bien? Oui, on peut même les prendre en plus. Oh là là, génial. Les pierres. C'était trop bien. On a bientôt bien. Fini. On a bientôt fini les pierres. Et bah, bonne visite. Et, nous, on a pratiquement fini, mais on n'a pas eu le temps. On a fait un cœur au final. On a dit une étoile. Oui, c'était Moi j'ai fait un lion. Moi j'ai fait une salamandre. Moi j'ai pu faire les décorations d'un château qui s'appelle je sais plus comment. C'est pas grave, super. Bonne balade. Merci. Maîtresse, est-ce que tu aimes l'artisanat d'art ? Je trouve ça très chouette de voir ça aujourd'hui. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'avais jamais vues. Comment ça se construisait, comment ça se fabriquait. D'accord. Donc pour moi aussi, c'est très intéressant. Ça vous a plu cet atelier là ? C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Maintenant, vous avez compris comment c'était construit à l'époque. Ouais, fait de la musique. Moi, c'était le graffeur. Ouais, la graffeur. La moi aussi. Moi, c'était pareil. Il s'appelle comment, le graffeur ? Mathieu Plume. Son nom d'artiste, c'est Monsieur Plume. En plus, on a fait une guitare. Moi, j'ai adoré le graffeur. Ah ouais, moi aussi. J'ai même gardé un souvenir du graffeur. Mais en plus, il allait très vite, mais très vite, on peut y arriver. Ça te plaît, Léo ? La visite aujourd'hui ? Oui. C'était trop bien. Tu préfères quoi jusque-là ? Je sais pas. Alors, tout. Tous ? On va faire la tailleur de pierre quand même. Je sais pas si on va avoir le temps. Alors, vous êtes en quelle classe ? C'est moi. Ok. On est juste en bas. Donc, déjà, je me présente, j'appelle Nicolas. Je suis forgeron coutelier et donc l'idée d'un forgeron coutelier c'est de prendre de l'acier. Des couteaux. Ouais, il y a différentes façons de faire des couteaux. Quand on est forgeron en fait, on prend l'acier comme ça, donc c'est l'acier de récupération, c'est des vieux outils que je récupère à droite à gauche dans des vide-greniers. On met dans l'espèce de gros four qui est là-bas. Ouais, c'est pas un four à pizza. Et ça, aussi, sur YouTube, il y a souvent des vidéos où ils prennent des métals, ils mettent un endroit où c'est vraiment très chaud. Ouais. Après, ils peuvent faire des couteaux et tout ça, ils peuvent même faire des cuillères et tout ça. C'est ça. Alors moi, je sais pas cuillère, moi je fais couteau et tire-bouchon. Ils mettent un couteau, ils placent, ouais. Et après ça leur fait des couteaux en métal. Voilà. Bah l'idée c'est ça, tu vois, ce matin, je suis parti de ça. J'ai mis dans le four. Donc ça, c'est un four qui monte jusqu'à 1100 degrés. Donc, c'est très très chaud. Donc, c'est presque plus chaud que le soleil. Un petit peu en moins, un petit peu en dessous. Donc l'idée, c'est le morceau de métal qui est dedans. Il devient tout orange, presque jaune. Après, donc, qu'est-ce que je fais ? Tac, tac, tac, je prends mon clapin, je le démarre. Je le pose là-dessus. Et avec le marteau, on tape en fait pour lui donner la forme. Ouais. Voilà. Et après aussi, tu sais ce que tu fais après, tu prends un truc, lisser bien le couteau. Ouais, c'est ce que j'ai commencé à faire là, avec la machine qu'on a là. Ça va pousser, donc là, il faut que j'enlève tout le truc qui n'est pas super beau là, et donner la forme finale au couteau. Et puis après, je pourrais faire le manche en bois. Voilà comment on fait un couteau. Et là, j'ai commencé ce matin, j'espère le finir aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de visites depuis ce matin. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, de toute façon. Et voilà du coup comment on travaille dans les grandes lignes le couteau. Ouais. Mais si tu fais pas de pause ni rien, tu dures combien de temps? Pour faire un couteau? Pour faire un couteau, les plus simples, c'est une journée. Voilà. Une journée, les plus compliquées, quand il y a des détails dans le manche, la décoration, tout ça, ça peut être 3 jours. De toute façon, l'artisanat, que ce soit la coutellerie ou d'autres métiers comme ça, il ne faut pas compter ses heures. Hein. C'est... on était payé à l'heure, on s'est bien payé. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je fais des couteaux parce que j'aime bien, parce que c'est... on travaille le métal, on travaille le bois, on travaille un peu de décoration, le dessin aussi, parce qu'au début, on commence, commence à faire un couteau, la première étape. On prend un papier, un crayon et on le dessine. C'est du dessin aussi. Il y a tous ces aspects dans la coutellerie. Donc voilà. Vous avez des questions? Non. Hein? Thaïs, tu avais une question, je crois. Vous avez déjà fait le meilleur forgeron? Allez, j'ai eu 15 fois cette question depuis ce matin. Non, je n'ai pas fait le meilleur forgeron. Il y a un Français qui l'a fait. Un Français qui est un coutelier qui vit en Haute-Savoie. Et moi, ils sont trop petits mes couteaux pour l'émission parce qu'ils font des couteaux grands comme ça. Quoi. Voilà. Le plus grand que j'ai fait, il est là sur la table. Là. Ah, on ne touche pas les couteaux, hein, par contre, hein, les enfants. Il est un peu abîmé de ce côté. Ah, c'est volontaire, en fait. Ouais, j'ai laissé tout ça, ça fait de la décoration, en fait. C'est un style. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça? Ça, c'est ma com. Pas de la publicité. Et comment il s'appelle? Vous pouvez me dire? C'est écrit sur sa carte. Tête-toi. Tête dans l'hume. Presque. D'enclume. D'enclume là. D'enclume. Tête d'enclume. D'enclume. J'étais presque. Cuisine, couteau de camp, tire-bouchon déjà. Je crois que je vais peut-être en faire un demain, tire-bouchon, c'est rigolo à faire. Couteau à bite, j'en ai pas fait encore, mais j'en vais en faire un parce que j'ai un beau-père qui vit en Normandie. Et donc les huîtres, sa grande passion. Je vais faire un couteau à bite pour son anniversaire. Il est super long. Ouais. Ça, c'est des couteaux de cuisine. Là, c'est plutôt à saucisson. Ça, c'est un petit couteau pour cuisiner. Il y a des couteaux à pain. Il y en a de toutes sortes. Ah bah ouais, il y a plein de couteaux différents. Ouais. Et celui-là? Est-ce qu'il y a des couteaux à pain? Ouais, des couteaux à pain. Alors, un vrai couteau à pain, il n'a pas de dents. Comme aucun couteau d'ailleurs. C'est les dents, c'est quand c'est pour éviter d'avoir des couteaux avec des lames, des fils trop coupants en fait. On met des dents pour faciliter la coupe. Mais un vrai couteau, que ce soit un couteau à viande ou un couteau à pain, n'a pas de dents. Et ce couteau, il sert à quoi? Ça, c'est un petit couteau de poche, en fait, pliant. Un couteau très suisse. Très simple. Ouais, c'est un pliant, c'est pas un couteau suisse, c'est ce qu'on appelle si un deux clous. Tu pars quelque part et que t'as besoin de couteau, bah, tu c'est ça. Il est là, dans la poche, quoi. On doit couper une corde, quelque chose, et du bois. On a le petit couteau de poche. Ça, je l'ai fait dans une râpe de maréchal Ferrand. Voilà. Maréchal Ferrand, il fait quoi comme travail? Il met les fers au cheval, souvent. Chevaux. Un cheval, des chevaux. Bah, il peut mettre à un cheval. Parce que deux chevaux en même temps, c'est compliqué. Et vous voulez faire quoi, vous, plus tard les... Non, non, c'est un peu trop tôt pour savoir. Moi, je suis naturaliste. Très bien. Voleur co. Ouais. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Assistante vétérinaire. Moi, assistante vétérinaire. Ok, il y a beaucoup d'assistantes là. Tu disais quoi, Agathe? Que moi, je voulais être assistante vétérinaire. Et Margot, assistante maternelle. Oui, j'entends. Comme ma maman fait. S'occuper des bébés? Parce que ma maman, elle s'occupe des bébés. Et moi, je suis là pour l'aider des fois. Enfin, je l'aide un petit peu. Et je trouve ça cool. Donc, bah, j'aime bien le faire. Donc, je me suis dit que quand je serai plus grande, j'aimerais bien le faire. C'est pas un métier d'art, assistante maternelle. Non. Mais c'est pas grave, c'est un beau métier. Après, des fois, c'est amusant parce que. Et c'est aussi drôle parce que les bébés. C'est déjà terminé? Des fois, ils font de la peinture avec leurs petites mains. Et c'est drôle, c'est mignon. Les enfants, alors ici, vous avez le ciseau, la massette, et là, vous avez un bloc de pierre de tuffeau, donc qui est originaire de Tourelle, qui est local. Donc vous avez des motifs, des gabarits avec des lettrages ou bien des dessins avec des étoiles, des lunes, des soleils. Vous pouvez aussi très bien dessiner sur votre pierre et après tailler directement. Donc vous avez quelques crayons, il faudra juste les partager une fois que vous aurez terminé avec. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Kylian. Vous êtes un ouvrier, pourquoi? Alors du coup, moi, je suis tailleur de pierre de formation. Et maintenant, je suis conducteur de travaux. Donc au début, je taillais les pierres, comme je vais t'apprendre là. Et maintenant, je fais plus tout ce qui est gestion de chantier et gestion d'équipe. Donc j'interviens toujours sur des chantiers du patrimoine, donc avec des châteaux, des églises, des belles maisons. Et moi, mon travail, c'est juste encadrer les équipes et préparer les chantiers. Mais de base, je suis tailleur de pierre. Est-ce que t'as des titres ? Oui, alors j'avais passé un concours au château d'Amboise. Et du coup, j'étais arrivé premier. Et c'est grâce à ce concours que j'ai trouvé mon entreprise actuellement. Voilà. Massette dans l'autre sens, tac, tu viens taper ici, comme ça, voilà, nickel. Rania, ça te plaît? Oui. Est-ce que c'est plus facile maintenant qu'il t'a montré? Oui. Je te déconcentre pas. C'est dur, t'es fatiguée, Léo? Ah oui. Toute la poussière, toi. Je pense que c'est un métier où on se salit. Ah oui. Ouais, Kélia, t'es en train de tailler la table, quoi. Oui. Non, c'est la pierre. Bon, bah alors toi, t'as carrément taillé le contour de ta pierre. Ouais. Bah c'est joli aussi. Pourquoi pas. Mais faut faire une lettre. C'est obligé. Non, on n'est pas obligé. On peut soit faire le contour et laisser la lettre. Tialina, elle fait ça bien, elle est précise dans ses gestes. Bah, c'est cool la taille de pierre. Oui. Ouais. Il m'a dit d'enlever tout le tour et juste te laisser la lettre. Ouais, ça, Agathe. C'est un A. Un A et un M assemblé. Et là, on fait, là, tailleur, on fait de le tailleur de pierre. Mais go, je fais. Parce qu'on aime bien faire, parce que c'est amusant. Et surtout, c'est que. On a dû recommencer. Surtout, c'est oui, on a dû recommencer. Et c'est amusant parce que... On recommence toujours. On creuse. Non, c'est parce qu'on creuse et tout ça, donc c'est bien. C'est... Et là, un A et un M, c'est pour... Agathe et Margot. Eh oui. Et c'est elle qui l'emmène chez elle, parce que moi j'en ai déjà eu une. Ça va ? C'est trop bien, j'adore. J'adore taper, mais... Dedans pour tailler, mais sauf qu'à chaque fois, ça fait mi-skate et tout ça. Oh. Regarde la technique, regarde comment il fait. Dis-moi, est-ce que je peux avoir les doigts, s'il te plaît? C'est bien, Elise. En fait, j'ai taillé sur le côté au début, donc du coup, je ne mets pas à l'intérieur. Ouais, mais c'est bien. Hein. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Aaron. Et est-ce que vous êtes un des meilleurs ouvriers? Alors, j'ai fait le MAF, le meilleur apprenti de France, donc un concours. Et j'ai été MAF départemental et régional. Et est-ce que c'est bien de faire ça? Bah, la taille de pierre, moi, c'est ma passion. C'est mon métier. C'est un peu toute ma vie pour l'instant. Après, bah, ce qui me tiendra, c'est ma santé. Mais sinon, je souhaite continuer ce métier. Et encore, tant que ça peut durer dans le temps, je le ferai, quoi. Merci. Merci, Aaron. De rien, merci à vous. Super, merci, Margot. C'est très bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Alexandra. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de faire une moulure avec 4 tours. C'est avec quels outils que tu travailles? Bah, là, pour refaire des faces plates, j'utilise un chemin de fer. C'est comme une râpe pour enlever les bosses. Et ensuite, pour faire la moulure, bah, j'ai utilisé des ciseaux et une massette. Il n'y a pas beaucoup de filles dans ce métier? Il y en a de plus en plus. Donc ça va... Merci. Mon enfête ! Mon enfête, c'était génial. C'était super bien, j'ai adoré absolument tout. C'était bien la balade à Mon enfête ? Trop bien. Ouais, trop bien. Et qu'est-ce qui était le mieux, par exemple ? Le prof. Tailleur de pierre et poterie. Bah, tailleur de pierre aussi, je l'ai bien aimé.